pris sur le vif. Écoutez. Zut, nous avons raté l'autobus. Et alors? J'ai donné rendez-vous à Paul devant le cinéma à 3h. Quelle heure est-il maintenant? 3h-10. Nous allons manquer le début du film et c'est un film policier. Répétez. Zut, nous avons raté l'autobus. Et alors? J'ai donné rendez-vous à Paul devant le cinéma à 3h. Quelle heure est-il maintenant? 3h-10. Nous allons manquer le début du film et c'est un film policier. Écoutez. Allô? Bonjour, mademoiselle. Je suis bien au cabinet du docteur Monnier. Oui, madame. Puis-je avoir un rendez-vous pour une consultation? Oui, un instant. Le 3 juin, à 16h. Très bien. Au revoir, mademoiselle. Répétez. Allô? Bonjour, mademoiselle. Je suis bien au cabinet du docteur Monnier. Oui, madame. Puis-je avoir un rendez-vous pour une consultation? Oui, un instant. Le 3 juin, à 16h. Très bien. Au revoir, mademoiselle. Écoutez. Bonjour, Pierre. Bonjour, madame. Je viens voir Paul. Tu arrives trop tard. Il a patienté jusqu'à 5h et puis il est allé à la piscine. Répétez. Bonjour, Pierre. Bonjour, madame. Je viens voir Paul. Tu arrives trop tard. Il a patienté jusqu'à 5h. Et puis il est allé à la piscine.